cherchais 4 heures. J'ai ouvert le journal, la télé, la radio. J'ai vu des enfants nus sucer le sein de leur mère morte. Raconter. J'ai entendu pleurer un négro estropié, même qu'il voulait savoir pourquoi il était né. Un bébé écorché dans une chambre d'hôtel, une grand-mère égorgée à deux pas d'un bordel, une grenade éclatée en plein cœur d'un marché, un jeune handicapé violé par des PD, une maman aux yeux brûlés dévorant la cervelle de son père fusillé par sa sœur et ses nièces. Des chiens agglutinés sur le corps d'une ex-vierge qui venait d'être violée par un français. Je n'ai rien inventé, pourquoi ne pas en parler? Et maintenant bonsoir, je dois aller pleurer. Je dois aller pleurer. Je dois aller pleurer.